difficile de pardonner, fallait garder l'attitude. La suite de l'histoire, je la connais pas, mais je crois que j'ai l'habitude. Nous n'accepterons pas votre aide, écrasé par le bitume. Alors on se la bute au jack, on est pour faire passer la pilule. Parfois j'ai fait de la merde et le poteau me l'a dit. Je deviens nostalgique entre la peine et les photos de la mif. Y'aura du seum et de la haine dans les propos à venir, amen. Pardonnez-moi si je déblatère, là j'ai trop de choses à dire. Le corazon abîme, mais je n'ai pas de réponse. Je finirai par croquer la vie à 100 fois de mes fautes. Je barode la nuit à croire que c'est drôle. Hier encore je partais cartonner la pile en noir et chrome. Désolé si je fais pas l'effort et si je mets pas les formes. Tu peux toujours essayer de parler fort, j'écouterai pas les ordres. Dégoûté par les autres, j'étais une bouteille à la mer. Envoûté par un sort, j'ai touché à la braise. Ouais ouais ouais, je marche sur une corde raide, mais l'œil du diable, je veux pas le voir. Ouais ouais ouais, le thème est sombre comme le ciel, les fleurs du mal me fanent pas. Ouais ouais ouais, je marche sur une corde raide, mais l'œil du diable, je veux pas le voir. Ouais ouais ouais, le thème est sombre comme le ciel, les fleurs du mal me fanent pas. Ces temps-ci je suis d'humeur versatile, il n'est pas le seum. De toute façon je suis pas venu là pour me faire des amis, laisse-moi seul. J'ai promis de ne jamais faire partie des lâches, donc je fais des choses, je me dois de faire un tapis. Et parce que y'a tellement de bails qui me tiennent à cœur. L'amour et l'eau fraîche c'est bien, mais si tu n'as pas le fric c'est la dème. Notre avenir est grave chum. D'après vous et moi c'est la même tous les matins. Je pars en casse pipe, j'ai v'là le seum. Allez va te balader, crois pas que t'avances vers paradis. Destiné à cravacher apparemment c'est ça la vie. Ce soir j'oublie tout, c'est le catharsis, mille remords. Remonte mais je ne me rappellerai pas de la suite, ivre mort. Frérot c'est pas de l'acting, je vise le trône. J'avancerai accroupi sous les stalactites s'il le faut. Et si c'est ça la vraie vie, je ne l'aime pas. La luminosité s'affaiblit mais je reste là. Ouais ouais ouais, je marche sur une corde raide, mais l'œil du diable je veux pas le voir. Ouais ouais ouais, le thème est sombre comme le ciel, les fleurs du mal me fanent pas. Ouais ouais ouais, je marche sur une corde raide, mais l'œil du diable, je veux pas le voir. Ouais, ouais, ouais. Le thème est sombre comme le ciel, les fleurs du mal me fanent pas.